franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Y aurait-il deux poids, deux mesures ? La Tunisie, l'Égypte, la Libye, la Syrie et le Yémen sont encouragés par les grandes puissances occidentales lorsqu'ils tentent de se débarrasser de leurs dictateurs. Mais quand les habitants du petit Bahreïn veulent faire leur printemps arabe, on détourne pudiquement les yeux et on se félicite même discrètement de voir le grand voisin saoudien envoyer des troupes pour rendre à la raison les révoltés bahreïnis. Pourquoi cette exception ? Est-ce parce que la 5e flotte américaine y dispose d'une importante base navale ? Ou bien a-t-on peur que ce minuscule royaume, peuplé majoritairement de chiites, ne bascule un jour prochain dans le camp iranien ? À moins, tout simplement, qu'on ne veuille pas fâcher l'Arabie saoudite, qui a déjà tendance à considérer que le Bahreïn n'est qu'une excroissance de son propre territoire. Ou bien encore, craint-on qu'une révolution au Bahreïn ne déclenche une onde de choc dans la région qui menacerait même le royaume saoudien ? Une monarchie réactionnaire qui fait fi des droits de l'homme, mais qui est si riche en pétrole. Monsieur X se penche sur ce dossier explosif. Il s'appelle Abdel Hadj Al-Khawaja, militant bahreïni des droits de l'homme. Il a été condamné à la prison à perpétuité par une juridiction d'exception pour avoir osé manifester l'an dernier contre la dynastie sunnite qui règne sur son pays. En grève de la faim depuis février, assis dans un fauteuil roulant, il vient à nouveau de comparaître devant un tribunal civil. Il a qualifié sa première condamnation de crime et réclame sa libération. Mais il est douteux qu'il soit entendu, car l'heure n'est pas à l'apaisement dans ce minuscule royaume. Et c'est l'an dernier que les Bahreïnis ont tenté eux aussi de se mettre au diapason des révoltes arabes. Et la répression était féroce. Mais j'y viens dans un instant. Auparavant, vous allez m'infliger un petit cours d'histoire. Bien obligé, dans ce petit pays arabe et méconnu. Bahreïn, c'est le plus petit état du golfe Persique, à peine 700 km². Une île. Ou plutôt un chapelet de 30 îles. Mais la plus grande d'entre elles est reliée à la côte saoudienne par un pont de 25 km. Ah, ce n'est donc plus tout à fait une île. Et cet ombilic qui la relie à l'Arabie saoudite revêt une grande importance. L'an dernier, il a par exemple permis aux troupes saoudiennes de venir rapidement au secours des autorités bahreïnies confrontées à une contestation massive. Alors, l'histoire, Bahreïn, protectorat britannique depuis la fin du 19e siècle, a accédé à l'indépendance en 1971. Mais depuis le 18e siècle, c'était les Al-Khalifa, une dynastie originaire des plateaux du Nejd, au cœur de l'actuelle Arabie saoudite, qui régnait sur le pays. Alors, il existe donc des liens naturels entre ces dirigeants et la monarchie saoudite. Ah, c'est évident, ils ne se déliteront jamais. Et la population alors ? Elle est assez composite, je n'entre pas dans le détail, mais il y a des groupes qui sont originaires d'Iran et parlent encore le farsi. Des chiites. Oui, mais les bahreïnis arabes sont aussi majoritairement chiites. Toutefois, la dynastie est sunnite. De même que la plupart des personnes appartenant au cercle dirigeant. Il y a là donc une importante fracture. Et combien d'habitants sur ce tout petit territoire ? À peu près 1 300 000. Mais parmi eux, il y a beaucoup d'expatriés. Autre donnée essentielle, il s'agit d'une population très jeune, puisque la majorité a moins de 30 ans. Et enfin, il faut souligner que le peuple bahreïni a une longue tradition de révolte. Il y existe même, à la différence des autres pays du Golfe, une vraie conscience sociopolitique, enfin au sens où on l'entend dans les États modernes. Par conséquent, il y a toujours eu une opposition au pouvoir, qu'il soit colonial ou monarchique. Et le cheikh Isa bin Salman Al-Khalifa, devenu le seul maître de Bahreïn après l'indépendance, va très vite s'en voir administrer la preuve. Racontez-moi ça. Ça commence d'abord plutôt bien. Une première constitution est établie en 1973. Une assemblée nationale rassemblant 30 membres élus et 14 ministres est mis en place. Une monarchie parlementaire. Ouais, mais deux ans plus tard, l'émir dissout cette assemblée. Et pour quelle raison, alors ? Al-Khalifa n'a pas supporté que cette assemblée puisse demander des comptes à sa famille. Par exemple, à propos des faibles revenus pétroliers et des terres publiques. Ou encore, que cette assemblée exprime son hostilité à une loi sur la sécurité de l'État autorisant la détention, sans jugement, de n'importe quel citoyen pour une période de 3 ans renouvelable. Une loi scélérate, quoi. Enfin, l'émir ne veut donc pas que l'on remette en cause son pouvoir. C'est ça, il met donc fin à cette fiction démocratique. Vous évoquiez les revenus pétroliers, là. Quels sont les ressources de Bahreïn ? Bahreïn est le premier pays du Golfe où l'on a découvert du pétrole. C'était en 1932. Mais c'est aussi le premier à avoir pratiquement asséché ses réserves. Plus de pétrole. Mais heureusement, le voisin saoudien lui est venu en aide en lui cédant les revenus du champ pétrolier d'Abu Safa, qui se trouve à cheval sur les deux territoires. Cependant, l'argent des hydrocarbures ne représente qu'un peu plus de 20% de ses ressources. L'émirat a donc dû trouver autre chose. Et se diversifier. Le Bahreïn a axé son développement sur les services financiers, qui représentent aujourd'hui une manne plus importante que le pétrole. Dans la capitale, Manama, on trouve 400 banques et institutions financières, dont beaucoup d'établissements islamiques. Est-ce un paradis fiscal ? Bien entendu. Bahreïn a longtemps été l'une des places les plus discrètes et les plus efficaces pour blanchir l'argent du monde criminel, selon certains spécialistes, qui estiment même que le pays a recyclé bien plus d'argent sale que les autres paradis fiscaux de la planète. Mais l'émirat a aussi développé une importante industrie de transformation de l'aluminium. Alors un mot maintenant sur l'homme fort du pays, là, celui qui a mis brutalement fin à cette expérience de monarchie parlementaire. Al-Khalifa a régné jusqu'en 1999, année de sa mort. De la vie générale, c'était un homme fermé, excessivement autoritaire et jaloux de son pouvoir. Ouais, donc pas d'évolution à attendre de son vivant. Et quand on ose se dresser contre lui, il réprime sans pitié. Un seul exemple. En 1994, des émeutes éclatent au sein de la communauté chiite après l'arrestation de plusieurs villageois. Le mouvement prend vite de l'ampleur et la contestation devient rapidement politique. Et quelles sont les revendications de ces opposants ? Les manifestants dénoncent l'absence de démocratie et ils s'insurgent aussi contre les inégalités sociales et communautaires. Majoritaires, je vous l'ai dit, les chiites se sentent exclus, rejetés, discriminés. En particulier les jeunes qui sont durement frappés par le chômage. Et d'une certaine façon, cette violente contestation met en évidence l'échec de la stratégie économique de Bahreïn. C'est-à-dire ? L'émirat ambitionnait depuis l'indépendance de devenir le Singapour du Golfe, en pariant sur la banque, l'aluminium ou encore la réparation navale et l'aviation. Mais dans tous ces secteurs d'activité, Bahreïn s'est fait doubler par Dubaï, l'un des membres des Émirats arabes unis. Un pays plus ouvert, plus libre, où le pouvoir est moins sourcilleux. Quoi qu'il en soit, le soulèvement a été durement réprimé par les forces de sécurité. Et cela a-t-il suffi à juguler ce mouvement de protestation ? Non, il durera près de 5 ans jusqu'en 1999. Cette intifada chiite, comme on la nommera, fera plusieurs dizaines de morts. Le mouvement prendra fin à la mort de l'émir. Détail important, selon certaines sources, l'Arabie saoudite a déjà envoyé des soldats à la rescousse. Ouais, comme elle l'a fait l'an dernier. Et ça montre que l'Arabie saoudite surveille le petit Bahreïn comme le lait sur le feu. L'émir meurt donc en 1999, hein, c'est ça. Et après, là ? C'est le prince héritier, le cheikh Hamad, qui succède à son père. Et très vite, il suscite un immense espoir. Quel rôle l'Arabie saoudite a-t-elle joué dans la répression de l'intifada bahreïnie de 1994-1999 ? Voici ce que je lis dans l'ouvrage de mon confrère de RFI, Ovillier Dallaj. Ces 30 ans qui ébranlèrent le golfe persique. L'émir peut compter sur l'appui vigilant de l'Arabie saoudite. Le ministre saoudien de l'Intérieur, le prince Nayef bin Abdelaziz s'est précipité à Manama où il affirmait que les intérêts de sécurité des deux pays sont indivisibles. L'opposition affirme d'ailleurs qu'il a été précédé par 2 brigades, 4 000 hommes, de la garde nationale saoudienne qui auraient franchi le pont reliant l'île de Bahreïn au royaume wahhabite afin de prêter main forte à la police de l'émirat. Ce point, démenti par Manama, n'a pu être confirmé de sources indépendantes, mais il ne fait pas de doute que la fonction première du pont d'Igue, achevé au milieu des années 80, est de permettre aux troupes de Riyad d'intervenir rapidement à Bahreïn en cas de menace pour la dynastie au pouvoir. Rapidement, le Cheikh Hamad donne des signes de dégel. Il amnistie les prisonniers politiques et autorise le retour des opposants exilés, qui sont même reçus au palais. Mais surtout, il promeut un nouveau système politique qui consacre le retour du parlementarisme. Alors, une nouvelle constitution. En février 2001, il fait adopter par référendum une charte nationale qui prévoit la transformation de Bahreïn en royaume constitutionnel. Et ça, c'est du jamais vu dans une monarchie du Golfe. Ah, exactement. Hein. Les mouvements d'opposition vont donc être autorisés à s'exprimer. Et la presse de Bahreïn ouvre pour la première fois ses colonnes aux opposants et aussi aux questions de société jugées jusque-là sans intérêt. Ouais, bah, ça commence plutôt bien. Et quelle forme prend ce parlementarisme ? Il y aura deux chambres, comme dans de nombreux États démocratiques. Notez bien que dans le Golfe, la seule monarchie constitutionnelle à être dotée d'un système parlementaire est le Koweït. Mais il y a une différence de taille. À Bahreïn, non seulement les femmes sont électrices, mais elles peuvent être candidates. À l'extérieur, notamment dans les pays occidentaux, on applaudit cette avancée démocratique. Et déjà, on le compare à deux autres monarques dont il est d'ailleurs très proche, Mohamed VI du Maroc et Abdallah II de Jordanie. Ouais, des souverains éclairés, comme on disait autrefois. C'est ça. Hein, c'est-à-dire des rois qui composent habilement avec leur opposition parlementaire, sans jamais cesser de rester les maîtres chez eux, bien sûr. Alors, c'est peut-être à l'imitation de ces deux amis que le Cheikh Hamad apparaît soudain à la télévision et se proclame roi. En même temps, il annonce de futures élections municipales et législatives. Bahreïn est donc devenu un royaume parlementaire. Mais qu'est-ce que ça change ? La surprise passée, on commence à s'interroger sur les changements apportés à la Constitution. Expliquez. Il y a donc désormais deux chambres. Mais les membres de la seconde assemblée sont nommés par le roi. Et en cas de divergence avec la première chambre, qui, elle, est élue, c'est la deuxième qui l'emporte. Il s'agit donc d'une démocratie fictive. Bien sûr, puisque le roi garde toutes les cartes en main. Mais comment peut-il justifier ce tour de passe-passe-là ? Le roi Hamad prétend qu'il a ainsi les moyens de circonvenir une éventuelle victoire électorale des extrémistes islamistes. On est alors en 2002. Et le danger représenté par ces fondamentalistes est le principal sujet d'inquiétude dans les chancelleries occidentales. Oui, après les attentats de Manhattan. Hein. Cependant, les opposants bahreïniens ne sont nullement convaincus par les arguments du roi. Mais pour quelle raison, Alain ? Ils estiment, non sans raison, que les extrémistes musulmans ne sont qu'une toute petite minorité dans l'archipel. Ils ont donc compris qu'on entend surtout les muselés, eux. C'est normal. Et d'ailleurs, dès les élections législatives de 2002, le pouvoir remet en cause l'esprit de la nouvelle constitution en utilisant tous les moyens qui sont à sa disposition. Par exemple Le premier, le plus simple, consiste à opérer un tripatouillage géographique des circonscriptions afin de s'assurer que les chiites n'auront pas de majorité. C'est pas très original, ça. S'ajoute à ça une campagne électorale très encadrée et des restrictions apportées à une liberté de la presse pourtant chèrement gagnée. Enfin bref, la vraie réforme n'est pas au rendez-vous. Et les autorités font tenter, si bien que l'Association islamique de Concorde nationale, le principal groupe représentant la majorité chiite de la population, boycotte le scrutin. Toutefois, en 2006, les chiites prennent part aux élections. Le parti de l'opposition chiite, Al-Wefaq, gagne 40% des sièges. Mais à cause de ce curieux système parlementaire, là, ce relatif succès électoral ne sert pas à grand-chose. Et à partir de 2007, le pouvoir retombe dans ses travers. Les durs du régime, c'est-à-dire les membres de la famille royale et les élites économiques, revendiquent une répression généralisée à l'encontre des partis d'opposition. En 2008, ses principaux dirigeants ainsi que des militants sont incarcérés. Et déjà, on accuse les forces de sécurité de torturer les prisonniers. Des faits avérés ? Oui, la situation s'envenime encore entre janvier et mars 2009, à la suite de l'arrestation de trois leaders du mouvement islamiste Al-Haq. La police tire sur les manifestants à balles réelles. Mais c'est en septembre 2010 que la répression franchit un nouveau palier. L'espoir d'un renouveau démocratique a donc fait long feu. Hein. Et le pouvoir a usé de toute la panoplie des méthodes des régimes autoritaires, strict contrôle des groupes politiques, de la société civile et des médias, en utilisant systématiquement des forces de l'ordre pour juguler et même harceler les mouvements d'opposition. Ouais. L'explosion de 2011 était donc presque inévitable. Tout démarre le 14 février 2011. Ce jour-là, à l'image des Tunisiens et des Égyptiens, des manifestants se rassemblent, place de la Perle à Manama. Les affrontements avec les forces de l'ordre vont provoquer la mort de deux manifestants. Mais qui sont ces manifestants-là ? Oh, en grande majorité, ce sont des chiites, bien sûr. Mais on trouve aussi des sunnites, des laïcs, des islamistes et des militants de gauche. Pourtant, on a surtout parlé de manifestations chiites. C'est juste. Mais c'est la propagande gouvernementale qui a aussitôt répandu cette rumeur. Mais j'y reviens tout de suite. Trois jours plus tard, nouvelle manifestation. L'armée tire, il y a 7 mois. La situation s'envenime, là. Oui, pour tenter de calmer la révolte, le roi offre 2000 euros à quelques 100 000 foyers. Il décide aussi, dans ce contexte troublé, d'annuler le Grand Prix de Formule 1. Mais rien n'y fait. Le mouvement de contestation va durer 1 mois. Et à la mi-mars, un bon millier de soldats saoudiens arrivent en renfort. Ils sont suivis par 500 policiers envoyés par le Conseil de coopération du Golfe. Et parmi eux, il y a des Qataris. Et venus de l'émirat voisin. Et néanmoins rival, oui. On a même assisté, dans les années 80, à un conflit armé entre les deux émirats qui se disputaient la possession de quelques îlots. En tout cas, la présence de ces Qataris parmi les forces de répression explique, en partie, pourquoi la chaîne de télévision Al Jazeera sera si discrète pour rendre compte des événements de Bahreïn. Ouais, alors qu'elle a donné une large audience au printemps arabe, tunisien et égyptien. Hein. Et qu'elle a même contribué à leur succès. Enfin, l'émir du Qatar, en ordonnant à Al Jazeera de faire silence, a certainement aussi pensé à ses propres intérêts. La peur de la contagion. Bah, c'est évident. Mais si vous le voulez bien, on verra ça la semaine prochaine, car il y a beaucoup à dire sur ce richissime émirat dont on se dispute les investissements dans le monde entier, mais qui finance aussi les mouvements islamistes les plus radicaux. Alors, revenons au Bahreïn. À la mi-mars, la police anti-émeute finit par déloger les manifestants qui occupaient la place de la Perle. C'est terminé ? Bah, au moins provisoirement. Mais le bilan de ces 4 semaines est lourd. Une 30aine de morts, 3000 manifestants placés en détention, dont plusieurs ont été torturés. Est-ce que cette violente contestation du pouvoir était prévisible ? Certainement, mais le régime, trop enfermé dans ses certitudes, n'a rien vu venir. En réalité, les califats pensaient que la déstabilisation du pays ne pouvait venir que de l'Iran des Mollahs. Mais ils étaient sûrs d'avoir écarté cette menace en accueillant chez eux la base de la 5e flotte de l'US Navy. Sans se rendre compte que la révolte grondait au sein de leur propre population. Et le pouvoir a essayé de pallier cet aveuglement en attisant les peurs et en confessionnalisant le conflit. Pardon pour ce néologisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, alors ? Ben, il a prétendu que la révolte était uniquement de la responsabilité de la communauté chiite. Ouais, donc une lutte, par conséquent, entre sunnites et chiites. Ce faisant, le pouvoir en appelait à l'unité des sunnites. Contre les chiites. Et derrière, naturellement, il y avait la fameuse équation. Chiites égale Iran. Une stratégie qui visait clairement à forcer les États-Unis à se ranger derrière le pouvoir bahreïnien. Patrick Pénaud sur France Inter. Dans le journal Libération du 14 février dernier, Jean-Paul Burdi, maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Grenoble, livre son analyse des événements du printemps bahreïni. Les revendications démocratiques du printemps 2011 entendaient impliquer l'ensemble de la population. Une monarchie constitutionnelle, un redécoupage électoral, la désignation du Premier ministre au sein de la majorité électorale. Au-delà des chiites, la dynamique de mobilisation massive a donc aussi réuni des sunnites et des nationalistes laïcs et de nombreuses femmes. Le mouvement s'est clairement voulu supra-confessionnel autour d'un mot d'ordre aussi omniprésent que le drapeau national, ni chiite, ni sunnite, juste bahreïni. Pour vous, le mouvement de révolte n'était donc pas uniquement confessionnelle. La meilleure preuve, c'est que les manifestants n'ont pas attaqué la minorité sunnite. En réalité, les manifestants, souvent modérés, demandaient plus d'équité, de justice et l'édification d'un système véritablement démocratique. Mais pour le pouvoir, il était plus tentant d'accuser les chiites dans leur ensemble. Une politique dangereuse, parce qu'elle a poussé à la radicalisation du mouvement de protestation, et même, paradoxalement, à une réelle confessionnalisation chez les manifestants. On a vu, par exemple, apparaître dans certains défilés les drapeaux noirs symboliques du chiisme. De ce point de vue, alors, la stratégie provocatrice du pouvoir n'a donc pas été vaine. C'est vrai, même si on peut le regretter. Et êtes-vous vraiment sûr que Téhéran n'a pas essayé de mettre de l'huile sur le feu, là, par solidarité avec la communauté chiite? Il faut bien entendu se poser la question. Première observation. Pendant les 4 semaines de manifestation, l'Iran n'a pas donné l'impression de soutenir réellement les révoltes du Bahreïn. Oui, mais cette apparente indifférence aurait pu masquer une solidarité plus active et plus discrète. Vous avez raison. Alors, j'ai essayé, par exemple, de m'interroger sur la personnalité des leaders de la communauté chiite. Il est vrai que le cheikh Ali Salman, chef de la principale formation chiite, Al-Wefaq, a été formé à Qom, en Iran. Mais son principal mentor n'est pas iranien, mais irakien. C'est Ali al-Sistani, une éminente autorité religieuse du chiisme, installée à Najaf, en Irak. Autre personnage influent, le cheikh Issa Kassem. D'après tous les observateurs, c'est à ce modéré que le pays doit de ne pas avoir basculé dans une guerre confessionnelle. Donc lui non plus, d'après vous, n'a pas été manipulé par Téhéran? Ça semble évident. Kassem ne veut même pas que le Bahreïn prenne vraiment ses distances avec l'Arabie Saoudite. Enfin, pour vous convaincre tout à fait, il me faut vous dire que les chiites bahreïnis sont des Arabes. Et vous connaissez leur méfiance, sinon leur hostilité vis-à-vis des Perses. Par conséquent, s'ils doivent chercher une inspiration, ils se tournent plutôt vers leur corps religionnaire irakien. D'autant que c'est en Irak que se trouvent les plus grands lieux saints du chiisme. Malgré tout, est-ce que le pouvoir est décidé à suivre la voie de la confessionnalisation? Absolument. Et son souci aujourd'hui est de tout faire pour marginaliser les chiites, qui le sont d'ailleurs déjà, puisqu'ils sont interdits d'accès à l'armée et à la police, et que les offres en matière d'éducation, d'assistance sociale ou de services municipaux sont déjà inférieures dans les quartiers chiites par rapport aux communautés sunnites. Mais pour aller encore plus loin, le régime a inventé une politique de naturalisation massive. Naturalisation de qui? De Syriens ou encore de Baloutches pakistanais. Ah ouais, tous des sunnites. Naturellement, puisqu'il s'agit de diluer peu à peu le chiisme et finalement de le marginaliser. Les immigrants ainsi naturalisés bénéficient de subventions pour se loger et d'une priorité à l'emploi dans toute une série de secteurs. Mais cette marginalisation des chiites sera forcément longue, enfin. Et si elle aboutit un jour. Oui, et puis elle ne résoudra pas les vrais problèmes qui ont été à l'origine du soulèvement du printemps 2011. Et qui, il faut le noter, ne sont pas fondamentalement différents des raisons qui ont poussé Tunisiens et Égyptiens à descendre dans la rue. À commencer par les inégalités sociales et économiques et le chômage. Ouais. Est-ce que là aussi, l'appartenance confessionnelle joue un rôle? En ce qui concerne le chômage, c'est criant. Le taux de chômage global serait de l'ordre de 15%. Mais au sein de la communauté chiite, il oscillerait entre 15 et 30%. Quant à l'emploi dans les instances gouvernementales, la préférence est systématiquement accordée aux candidats sunnites. Mais il faudrait aussi parler de la corruption qui a spectaculairement progressé au Bahreïn, selon les classements effectués par les organisations internationales. Le pays est ainsi passé du 34e au 46e rang mondial, en seulement 7 ans. Oui, forcément, cette corruption profite à la classe dirigeante sunnite, au détriment de la majorité chiite. Bien sûr. En témoigne ce que l'on a appelé au Bahreïn le Bandar Gate. Je vous explique. Salah al-Bandar est un citoyen britannique d'origine soudanaise, employé d'un comité stratégique du gouvernement. En 2006, il révèle dans un rapport envoyé à différentes ambassades et organisations politiques du pays qu'une structure secrète au sein du bureau central de l'informatique s'occupe de truquer les élections et d'œuvrer à la division confessionnelle. Détail intéressant, Cette entité est dirigée par un membre de la famille royale, le cheikh Ahmed bin Atiyatallah. Conséquence ? Aucune. Il était interdit à la presse bahreïnie d'évoquer ce scandale. Quoi qu'il en soit, l'affaire est symptomatique. Elle prouve que le clan Al-Khalifa est prêt à tout pour conserver le pouvoir et qu'il n'acceptera jamais de le partager avec la majorité chiite. Une attitude qui expliquera aussi le soulèvement de 2011. Un dernier mot sur ce sujet. Bahreïn, je vous le rappelle, est un archipel de 33 îles. Or, un citoyen ordinaire ne peut pratiquement pas accéder à la mer. Attendez, il faut m'expliquer. C'est très simple. La plupart des zones côtières sont des propriétés privées. Aujourd'hui, 20% du territoire ont été gagnés sur la mer et sont occupés par des projets d'investissement commerciaux et touristiques qui sont dans les mains de membres de la famille régnante. Ces privilégiés peuvent louer des terrains de l'État pour une durée d'un siècle, au seul prix d'un euro. C'est gratuit. Et combien de temps peuvent encore durer ces inégalités, à votre avis ? Longtemps encore. Au moins, tant que l'Arabie Saoudite sera décidée à imposer sa loi au Bahreïn, à la moindre menace de révolte. D'ailleurs, il existe un projet sérieux qui prévoit purement et simplement l'annexion par l'Arabie Saoudite. Mais c'est peut-être du cœur du pouvoir que viendra l'explosion. Il y a des conflits au sein de la famille royale ? Oui, si tous les postes clés sont occupés par les membres de la famille régnante, tous ne sont pas égaux. Et le véritable maître du pays est le premier ministre, Cheikh Khalifa Ben Salman Al-Khalifa. Oncle du roi, il est en poste depuis 1971. C'est un partisan de la ligne dure, à la fois proche des salafistes et de l'Arabie saoudite. Il est appuyé en coulisses par Naïef, le prince héritier saoudien, l'homme de la sécurité au royaume wahhabite. Et il a bien sûr la haute main sur les services de sécurité. Et c'est donc lui qui est en première ligne alors. Avant même le roi, il y a un signe qui ne trompe pas. Les portraits du premier ministre sont partout. À l'aéroport, sur le long des routes et les immeubles appartenant au clan sunnite. Beaucoup plus nombreux que les portraits du roi. Et qui sont les modérés alors dans ce clan-là ? C'est le prince héritier, Salman Ben Hamad, qui les représente. Il est généralement perçu comme le plus libéral des membres de la famille. Avant la vague de répression de mars 2011, il a même tenté de parvenir à un accord avec Al-Wifaq, le principal parti chiite d'opposition. Depuis, il a perdu une bonne part de son autorité, tout comme son père, le roi Hamad. Les durs ont donc pris le dessus. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à la déposition du roi ? Et à son remplacement par son oncle, Premier ministre ? Pourquoi pas ? Mais ce dernier en a-t-il besoin, puisqu'il a déjà réussi une sorte de putsch en douceur, en s'emparant de la réalité du pouvoir ? En tout cas, les meilleurs observateurs ont estimé que l'envoi des troupes saoudiennes en mars 2011 était non seulement destiné à mater la rébellion, mais également à faire passer un avertissement au roi et au clan des modérés. À samedi prochain pour un entretien consacré donc au Qatar. Un livre, enfin, Rémi Koffer, l'un des meilleurs connaisseurs du monde du renseignement, nous offre un roman passionnant, Archimède 1968, paru chez Lattès. L'auteur y tricote habilement deux récits, celui des négociations secrètes entre Américains et Nord-Vietnamiens et celui des événements de mai 68, où interviennent aussi les résistants de la Seconde Guerre mondiale, une rencontre parfois explosive entre deux mondes. Sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous. Cette émission a été préparée par Pierre Firsion. Merci aussi à Michel Biou. Et je vous rappelle que le dernier ouvrage de Rendez-vous avec X, la face cachée des États-Unis, vient de paraître, coédité par France Inter. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour, de Denis Chessou.